Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muhaddith al-shaykh al-albani alayhi rahmatullah istiqbalu al-ka'bah. Hada al-babu al-awwal. Premier chapitre qu'a cité Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, istiqbal al-qibla. Aïe, se diriger en direction de l'Ka'ba, al-Masjid al-Haram, fi Mecca. وهذا استقبال الكعبة شرط من الشروط. C'est une condition parmi les conditions de la صلاة. الصلاة لها شروط ولها واجبات ولها مستحبات. الشيخ الألباني رحمه الله va les citer petit à petit dans le livre. Les conditions, les obligations, il y a des choses recommandées, il y a des choses qui annulent la صلاة. Maintenant, on les citera petit à petit. Amma al-yawm, on va citer les shurut. Thumma, on explique istiqbal, le shart istiqbal al-ka'ba. Aïe, se diriger en direction de la Ka'ba. Enfin, on cite les shurut. Thumma, on explique en détail le shart qu'il a cité al-imam al-albani rahimahullah. Shurut al-salah. Awalan al-shart, on avait vu hada fil usul. Ma huwa al-shart fil lugha? Je vous avais dit, il y a ce livre, nous on le fait. كذلك سيبقى أبليكي سكون أبي قبل من أصول الفقه والقواعد إن شاء الله المصطلح فأنا بيبين نحن مسألة الشرط في الأصول الآن تبقى بغل الفخوي دون الفقه كتاب بزواند هذا فما هو الشرط في الأصول تفضل أحسنت في اللغة العلامة قال عز وجل فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فقد جاء أشراطها أي علاماتها الشرط في اللغة سنسين العلامة نسكن نتغسل في الاصطلاح اصطلاح الفقهاء أو الأصوليين ما هو الشرط ما فارغسي تذكر هذا الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. La condition, c'est une chose si elle est pas présente dans l'ibada, la ibada est batila. ما يلزم من عدمه العدم. فsi tu fais pas ce شرط, t'as pas cette ibada. قال ولا يلزم من وجوده الوجود. Si t'appliques ce شرط, ça veut pas dire forcément que la ibada sera valide. Qui c'est qui nous mette avec istiqbal al-qibla? Qui c'est qui nous mette avec istiqbal al-qibla? Hijab. Ahsan, celui qui fait salat et volontairement il se dirige pas vers la qibla, sa salat elle est batila. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Sa salat elle est batila. Zid. Mit. Ahsan. Et une personne, elle peut se mettre en direction de la qibla, il a ce shart. Lakin, ça implique pas forcément que la ibada sera valide. Liana, il peut lui manquer un autre shart. Il peut se mettre en direction de la qibla, مثلاً, et il a pas l'odo. Sa salat, elle est batila kadhalik. Ça, c'est ça, shart. Ça te montre un shart, il faut tous. Shurut l'ibada, il faut tous les avoir. Et si t'en manques un, la ibada, elle est pas sahiha. فنحن الآن سكما سيتي لشروط دو الصلاة وفن سيتي نف وأكثرها سبيل إجماع هذا سمهم الآن أنت avec la règle de أصول que t'as في الشرط et tu connais les شروط دو الصلاة tu pourras savoir si صلاة فلانة لصحيحة أم باطلة par rapport aux شروط par rapport aux شروط لأنها elle peut être باطلة elle peut être باطلة et c'est une chose que tu vois pas أنت مثل النية مثل النية tu sais pas أنت لكن On va le citer dans les shurut. هذا c'est مهم. الشرط في اللغة العلامة. On a cité le dalil. فقد جاء أشراطها. وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. أي لذاته. On avait précisé لذاته dans l'usul. Et on avait expliqué لماذا. Donc نقرأ les neuf conditions de الصلاة. الشرط الأول الإسلام. Et vous allez voir qu'il y a des shurut c'est في جميع العبادات. شرط الإسلام العقل التمييز إلى آخره. Ça c'est toujours dans toutes les عبادات. فالشرط الأول الإسلام. لو قدر أن كافر يبي faire الصلاة. مثلاً يفعل وضوء يسمع direction de قبلة إلى آخره. Il dit أنا je veux faire الصلاة comme vous. On lui dit, est-ce que tu ashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tu t'es converti à l'islam? Il dit, là. Lakin j'ai envie de faire salat. Si il fait sa salat, elle est batila. Il y en a, c'est un kafir. Kafir billah azzawajal. Hakada al-siyam, hakada al-hajj, wa sa'ir al-ibadat, min al-shurut al-islam. C'est obligé, awwalan, il se convertit à l'islam. Et on avait expliqué dans Durus al-siyam, l'erreur que certaines personnes y font. Un kafir, il fait siyam, et il l'encourage à faire siyam. Il pense que ça va lui servir. Abadan, si c'est un kafir, ça ne lui sert à rien. Il yata'ab nafsa. Il est obligé de se convertir. Awalan, faire salat, summa, al-siyam wa al-hajj ila akhirah, ça sera accepté. Bi-idnillah. Hada al-shart, il est wadih. Al-shart al-thani, al-aql, la raison. Ça fait sortir al-majnoun. Al-majnoun, la salat ala. Limada, li-anna, on va voir, min shurut al-salat kadhalik, al-niyya. Et al-majnoun, il n'a pas de niyya, il ne sait pas ce qu'il fait, miskin. Al-majnoun, la salat ala. On ne le force pas, on ne leur donne pas à faire salat comme un adulte qui est normal. Vous savez que certains des majanines font salat et l'akhir, il est là. Mais nous, le shart, c'est que salat n'est pas obligé pour lui. Ce n'est pas obligatoire. Et on ne leur donne pas à faire salat. Mais s'il vient au masjid et il fait salat, il est là. On ne l'empêche pas, illa si un darar. Illa si un darar. S'il fait du bruit. Ou il peut salir la mosquée maintenant avec une najasa, il n'arrive pas à se retenir. Ou min hadal bab, fi hadal hal, on l'empêche à venir, les annas, il va faire du mal aux autres. Amma s'il ne fait pas de mal, il a khalid, abas. Lakin, aslan la salat Ali. Ou le dalil ma'rouf, hadith Ali, radiyallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, rufi al qalam an thalat, wa minhum al majnoun, hatta ya'qil, ou hatta yafiq. Al hadith il est sahih. Ça c'est un dalil, anna al aql, c'est un shart dans toutes les ibadahs. Si il est majnoun, on refait le qalam an. Il est plus concerné par un taklif. Et on avait vu cette masala kadalik dans l'usul. Bab al-mukallaf, on avait vu min hada. Al-shart al-thalit, donc le premier shart, al-islam, l'islam. Le deuxième shart, al-aql, la raison. Le troisième shart, al-tamiz. Ils traduisent par le discernement. Tu discernes les choses. Ça fait sortir l'enfant qui n'a pas de tamiz. Fassabi, alladhi la yumayiz, la tasih salatu. Wa ma'aruf anna tamiz arrive à un certain âge, anna l'enfant, il commence à discerner le bon du mauvais. Fafi hadhal hal, il commence à être concerné par kathir min al-shara. Maintenant, prends l'exemple de ad-dukhul ala al-nisa. Un enfant qui n'a pas de tamiz, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a chose là. Il y a chose là. Il rentre vers les femmes. Il rentre à la mosquée des femmes. Il y a chose là. Il n'a pas de tamiz. Là, le jour où il commence à discerner le bon du mauvais, fahada yumna. Et arrive à un certain âge, comme a vu le hadith, à 7 ans, son wali, son père ou autre, il commence à lui ordonner à faire salat. Et à 10 ans, s'il ne fait pas, il le corrige, comme a fait le hadith. Les anna, 7 ans, 10 ans, c'est l'âge du tamiz. Hatta, il arrive à la puberté, mais idnillah, il est habitué et ça devient un fard. يعني من سائر فروض الشريعة عليه على كل حال لابد من التمييز الشرط الرابع la quatrième condition دخول الوقت c'est une condition في الصلاة on a cité toutes ces conditions لأن vous verrez que Cheikh Al-Albani رحمه الله il les a pas toutes citées Cheikh Al-Albani lui il se concentre صفات الصلاة أما الوقت par exemple c'est pas, ça fait pas partie de صفات الصلاة c'est avant la صلاة Cheikh Al-Albani ne va pas te citer tout ça. C'est pour ça que nous on les cite maintenant. Cheikh Al-Albani, son livre, c'est fait sifa faqat. La description de la salat. Si c'est une condition, il la cite. Et si ce n'est pas une condition, ouais, il ne la citera pas. Lakin, les conditions en général, c'est avant la salat. Tu verras toutes les conditions, l'un, c'est avant la salat. Istiqbal al-qibla. Istiqbal al-qibla. Là, ben, il l'a cité. Léana, c'est avant et pendant la salat. Amma, le reste, il ne le citera pas, rahimahullah. فلهذا نحن لسيت الآن دخول الوقت celui qui fait salat avant l'heure il n'a pas la condition sa salat elle est batila salat elle est batila il fait dhuhr maintenant al dhuhr en ce moment c'est à midi et quart midi et demi il le fait à 10h du matin 11h sa salat elle est batila il refait dhuhr il y en a il lui manque la condition de l'waqt دخول الوقت والدليل قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فاستو الصلاة على des heures précises فالانتخي de l'heure c'est une condition dans les 5 salawats الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الشرط الخامس الطهارة, la purification. Le quatrième شرط l'entrée de l'heure. بإذن الله on détaillera هذا si on a une force. Quand Cheikh Al-Albani citera les qira'at, لأن il n'a pas cité le وقت هو رحمه الله. باب القراءات, il va nous expliquer qu'est-ce que tu lis في صلاة الفجر, qu'est-ce que tu lis في صلاة الظهر, في صلاة العصر. بإذن الله on en profitera, nous chaque salat on définira son وقت بالأدلة. Le cinquième شرط, la cinquième condition الطهارة, la purification. وهذا واضح. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث المتفق عليه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل pas صلاة d'une personne إلا بالطهارة, la purification. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولا صدقة من غلول. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. C'est un شرط الصلاة. Elle n'est pas acceptée بغير طهور. أبدا. الطهور إما ça va être l'eau d'eau, إما ça va être quelque chose qui remplace l'eau d'eau. Si la personne ne peut pas faire l'eau d'eau. كالتيمم. Une personne, il peut ne pas faire l'eau d'eau. Liana, il y a une raison. La maladie, ah, il trouve pas d'eau. Imma, il trouve pas d'eau, imma, il peut pas utiliser l'eau. La fiyad al-hal, at-tahur, c'est tayammum. Il fait tayammum, et bi-idnillah, fiyad al-hal, il fait cela. Al-shartu sadis, la sixième condition, al-niyya, l'intention. Hada kadalik, c'est un shart fi. Et on aurait dû le citer au début. C'est un شرط في سائر العبادة. قال عليه الصلاة والسلام حديث عمر المعروف عند الجميع رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. الشيخ الألباني لا سيتي باب في النية فيما أذكر. نعم لا سيتي باب النية قبل الاستفتاح باب النية. لا سيتي حديث عمر بإذن الله نكسبليكرون ديتاي هناك. قال الشرط السابع ستر العورة. Ça c'est un شرط كذلك. Sitr al-awra, se couvrir les parties intimes. Ça prouve que celui qui fait salat makshouf al-awra, il est nu, sa salat elle est batila. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله احتج من قال الستر من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا وهذا أجمع عليه. هذا دليل على شرطية ستر العورة, لأن الإمام لعبد البر نقل الإجماع كالسلوي كيف لا صلاة نو alors qu'il peut se couvrir sa salat elle est batila bil ijma. Ça montre anna sitr al awra c'est un shart, c'est une condition. Amma celui qui peut pas fa ma'rouf, celui qui peut pas il se retrouve dans un endroit et il peut pas se couvrir la awra et c'est l'heure de la salat et il a peur que l'heure elle passe fi hadha al hal fi al salat ala kulli hal, et il est excusé li'annahu يعني il a pas la capacité. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرط الثامن طهارة البدن والثوب والمكان. Trois choses. Il purifie البدن. On l'a vu في باب الطهارة. الثوب كذلك. Faut pas qu'il y ait une najasa sur son thawb. والمكان. L'endroit où il fait الصلاة. Il se purifie lui, ses vêtements et l'endroit. هذا c'est un شرط في الصلاة. قال عز وجل وثيابك فطهر. وثيابك فطهر. فطهر أي من النجاسات. أي les impuretés. La personne il fait attention ses vêtements, l'endroit et sur son corps. لأن tu peux avoir le dos et t'as une najasa maintenant sur la main ou sur le pied et t'as fait le wudu. فالإنسان ينتبه. إنسان ينتبه أنه يطهر بدنه وثوبه ومكانه. Les trois c'est مهم. dernier chart, istiqbal al-qibla. Le dernier chart, le 9e chart, istiqbal al-qibla. Se diriger vers la Kaaba. Et ce chart, on va le détailler l'un. Il y a le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a cité. Le Cheikh Al-Albani, il a cité chart al-niyya, qu'on va voir plus tard, et chart istiqbal al-qibla. أما لغز سدي الشوز أفضل الصلاة فالشيخ الألباني هو إلى باسطة هذه الأمور رحمه الله. قال رحمه الله تعالى استقبال الكعبة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة أو استقبل الكعبة في الفرض والنفل. C'est ça l'asl. On va voir que يجوز في النافلة على الراحلة يجوز de prier en dehors de la qibla. On va voir deux cas. اعلم أنت أن العلماء أجمعوا على استقبال القبلة على استقبال الكعبة بالإجماع إلا في حالتين. حالتين يجوز الصلاة إلى غير القبلة. الحالة الأولى donc les savants ils sont unanimes que c'est une obligation, tu te diriges vers la Qibla, sauf dans deux cas. Aïe, dans la salat, dans deux cas. Le premier cas, salat al-nafila ala al-rahila. Cheikh Al-Albani va détailler cette mas'ala. Deux choses, al-nafila et sur al-rahila. Dans ce cas-là, tu salis ou que la monture elle te guide. Et on va voir la mas'ala, tu fais takbir en direction de Qibla au départ, on verra tout ça. Bad. Ça c'est le premier cas. Une personne matalane, il fait al-fard sur sa monture et il ne se dirige pas vers la qibla. Son salat, elle est batila. Là, ça c'est khas fin nafl. Les prières qui ne sont pas obligatoires, les prières recommandées. Al-witr, wad-duha, wa ghayr dhalik. Le deuxième cas, Cheikh Al-Albani kadhalik va citer salat al-khaif. Salat al-khawf. Je peux arriver dans une situation en face du adou, matalan fil jihad, c'est l'heure de la salat. Matalan dhuhr, il commence ma'rouf. Il a une heure précise. Antal an matalan, t'es fil jihad et al ma'araka elle commence. Jusqu'au asr. Ça veut dire que le temps du dhuhr, il commence à une heure précise jusqu'à l'heure du asr. Maintenant, on va déterminer ça 2 heures maintenant. Si maintenant tu es en combat pendant 2 heures, fi hadha al-hal qad la tatamakkan min istiqbal al-qibla ou min al-qiyam. Fi hadha al-hal yajuz lak tu salli n'importe quelle direction. N'importe quelle direction. Ça yati ma'ana en détail hada. Parce que ces deux cas, la personne il peut prier en dehors de la qibla. Amma غير ذلك c'est un shart, c'est wajib. On voit l'erreur de certaines personnes. Matalan, ils pensent qu'au travail, khasatan عند الكفار, ils ne laissent pas faire salat. وعد الناس, ils délaissent les shurud. Bila udr, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Le patron, il veut pas te laisser faire salat. Matalan, وعد الناس, il est en face de sa machine. Ou hakada, il est pas en direction de Qibla et il fait salat. Il croit qu'il a une excuse. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Ouais, il combat ton din et il te fait du mal dans ton din. Anta, t'as pas le droit de te plier dans ce cas-là. Si tu peux pas, change de travail. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. La yajouz. La yajouz. Le muslim, il se rabaisse, hakada. Et il perd son din pour un adjis, un kafir, un mushrik. La yajouz. Ce qui est aslan pour lui-même. Lui-même, ce kafir, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé et il lui a ordonné hadi l'humour. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْزَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il rentre dans cette ayah. Comment ce najis, ce mujrib, il va te priver de cette ibadah azim. Aslan, toi, là, tu vas aller bien. Tu fais salat. S'il n'est pas d'accord, maintenant tu lui as demandé, il ne veut pas, tu fais salat. Il y en a il demande, il te dit maintenant, je suis au travail et le patron ne me laisse pas faire salat. Ou, il demande plutôt la question, est-ce que je demande? Là, bas, si tu veux lui demander. Là, ça ne veut pas dire que sa réponse, tu vas la suivre, là. Il y en a qui est d'accord ou pas, Rabbul Alamin est ordonné de faire salat. Si tu le demandes, maintenant, il y a Foulan, Tu ne lui demandes pas la permission de faire salat, là. Là, mais la salat c'est une obligation. Comment tu vas demander à un kafir la permission? Là, si tu veux le prévenir là-bas, je fais yafoulan, je veux faire salat. Si il dit oui, si il dit non, ça ne change rien, la salat tu dois la faire. Ça vient de l'hal, tu lui demandes, si il dit non, fais salat. Il est content ou il n'est pas content. Si il veut plus de toi, change de travail. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le razzaq. Amas mujrim skafir, c'est un kafir. Fala tubali bih. Nous, on a cité tout ça, nabad al-nas, il délaisse des chourouts. Kadalik, on verra avec le qiyam. On va voir cette mas'ala, kadalik, avec al-qiyam, fi salat. Al-qiyam, c'est min al-arkan, comme on va voir. Il y a des chourouts, il y a des arkan, il y a des wajibat. Et chourouts et arkan, ça se ressemble, en fait. Min arkan al-salat, on va voir al-qiyam, c'est un pilier de la salat. T'as pas le droit de délaisser la salade debout il l'a bi'udr. On va voir maintenant, il y a juste la salade nafila de faire assis, il y a juste si la personne il est malade. Si tu ne peux pas debout, assis, une personne n'a plus de jambes, une excuse. Amma, il est au travail. Il a la capacité de faire salat debout. Le patron, il n'est pas content, il fait salat assis. Min ayn hada? Min ayn? Walan tarda anka al-yahoud, walan nasara, hatta tattabi' millatahum. Huwa, il ne voudra pas que tu fasses salat, il ne voudra pas que tu fasses siyam, il ne voudra pas que tu fasses le hajj. S'il peut t'enlever ta aqida, ta croyance, wallah, il t'enlève. Fa kayfa anta, tu vas le suivre. أبداً صلاة دبو سي دبو القبلة سي القبلة بعض الناس مساكين ضعفاء جهال يسبا وتخفي في الصلاة كم سيلتو جهاد إلي أسي أي بوج لعبتت هكذا لا يجوز هذا تبو جهاد الآن الآن ترى كاباسيتي تفي دبو تفي الركوع تفي السجود شك شوز أسابلا هذا سي مهم. Ada c'est mohim. Ayuha le muslim, gaspille pas ton din pour un kafir qui te déteste et qui déteste ton din. Gaspille pas ton din. Fais ton din et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Inna Allaha huwa al-razzaq dhul quwwati al-matin. C'est Allah qui donne. Amma hada al-mujrim, c'est une épreuve pour toi. Faqat. Patient. Obéis à Allah azza wa jal. Et incha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera ton risque. On revient à notre dars. Anna istiqbal al-Ka'ba, c'est un shart et c'est wajib. Sauf, on a dit, dans deux situations. Le voyageur, une salat qui n'est pas obligatoire, recommandée sur sa monture. Et deuxième cas, salat al-Kha'if. Wad-dalil, Cheikh al-Albani, fil-Hashiya, il a cité Anna, c'est une chose claire, mutawatira. C'est connu عند المسلمين. صحيح c'est واضح استقبال القبلة c'est واضح عند العوام وعند الخواص c'est معروف هذا. نحن نسيت كم من الدليل من القرآن الكريم الدليل على وجوب استقبال الكعبة قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك أي tu diriges شطر المسجد الحرام en direction du مسجد الحرام. Ça c'est le dalil على وجوب استقبال الكعبة. سورة البقرة le verset 144. Ceux qui n'ont pas le temps de noter les versets, je donne la référence ou tu les recopies chez toi. Surat al-Baqara, verset 144. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال فَبَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَى فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ. Vous connaissez cette qissa. أَنَّ مِنْ قَبْلَ à l'époque les compagnons du prophète alayhi salatu salam et le prophète alayhi salatu salam ils faisaient la salat en direction de Masjid al-Aqsa. Thumma le verset est descendu fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Fa ba'd as-sahaba radiyallahu anhum fi salat as-subh bi Quba. Masjid Quba il est ma'rouf à Médine. Ceux qui font le hajj et l'umrah ils visitent ce masjid et ils font salat rak'atayn, il y a une fadila azima Masjid Quba. Fa ils faisaient salat en direction de Masjid al-Aqsa. Les annahum, ils n'avaient pas encore entendu le verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans sa mosquée, eux ils étaient à Quba. Fa salat al-subh, ils n'étaient pas au courant du verset. Fa ils ont continué à faire salat en direction de Masjid al-Aqsa. Qala fa qala rajul inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qad unzila alayhi qur'an wa qad umira an yastaqbila al-qibla. فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. Ce hadith, أولا, تستفيد منه que tu as le droit de parler à une personne qui fait salat s'il y a quelque chose, s'il y a une raison, quelque chose d'urgent, il y a juste. Les Nahaoulal, ils sont en pleine salade. Et le Sahabi, il leur parle. Il y a juste. Une personne il est en salade et il y a quelque chose d'important. Tu lui parles. Il y a Fulan, kada, kada, kada. Il y a juste. Thaniyan, هذا الصحابي رضي الله عنه il les a informés أن القرآن il est descendu et il leur a expliqué أن il y a un verset du Coran qui est descendu il ordonne aux musulmans de se diriger vers la Qibla أي المسجد الحرام مكة تعلمون أن المدينة c'est هنا au nord il y a الشام et au sud il y a مكة فهم ils étaient هكذا المدينة c'est au nord de مكة هم يبخيوا النار الشام مجد الأقصى الآن لا قبلة الشانج على هنا ça veut dire que eux ils ont tourné ils ont changé complètement de direction pour يعني se diriger vers مكة مجد الحرام الحديث كذلك يمطر أن خبر الثقة إلى مقبول هؤلاء ils ont pas dit on va réfléchir attends on va aller voir le prophète أبدا une personne de confiance et les informés ils ont accepté l'information ça c'est un dalil à la qaboul ou qaboul khabar al-thiqa c'est une personne de confiance il est mustaqim fi dini c'est un rajoul salih il n'est pas connu pour le mensonge on accepte son qawl haoula al-sahaba mubashara كذلك le hadith montre istislam al-sahaba li amr Allah wa amr rasul haoula al-sahaba il leur a dit qad unzil alayhi al-quran aïe le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a un verset qui a été révélé. C'est quoi ce verset? Tu dois changer de qibla. Mubashara, ils ont accepté. Mubashara. Ça montre un qiyad à sahab Rasulullah alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne repoussaient jamais haoula. Radiyallahu anhum. Al-hadith, il est muttafaq alayhi. On a oublié de nabbah fi bidayat al-dars. On va citer nous dans ce kitab, inshallah, wa shaykh al-Albani, il cite beaucoup d'ahadith. Talib al-ilm, il a besoin de ces ahadith. Je peux te poser la question, Anta, j'apprends quoi? Al-Afdal, celui qui a du temps, il apprend Kitab al-Salah, min Amdat al-Ahkam. Ghalib, ce que Cheikh Al-Albani il a cité, ou ce qu'on va citer, nous, c'est fi Amdat al-Ahkam. Adon 130 hadiths, ou 140, hakada. Naam. En dessous, moins de 150 hadiths. الإمام المقدسي رحمه الله يتسيت لأبواب باب الأوقات باب استقبال القبلة الأغضر سأرسم للشيخ الألباني سكلا إكخي في صفة الصلاة هذا مهم لأن ستة سمتنا أنت باركور تبلوك أباتير دسو الآن مثلا لأحاديث كوندون الآن في استقبال القبلة إلي موجود حديث ابن عمر إلي موجود في عمدة الأحكام Ça c'est mohim, comme on a expliqué hier ou avant-hier dans les doros de l'Almanhadiyya. Ça c'est mohim, ya jama'a. On va citer beaucoup d'adillah. Si tu as maintenant un temps, bi'idnillah, chaque mas'ala t'aura un hadith. Parce que celui qui a le temps, il apprend kitab salat min amdat al-ahkam. Celui qui n'a pas le temps, il est occupé, il a déjà des mahfoudat, fais le dars, et bi'idnillah, le jour où tu as du temps libre, tu apprends le maintenant, et bi'idnillah, tu révises. Et inshallah, il n'y a pas de problème fi hada. Al-mohim. استقبال القبلة الآن شرط من شروط صحة الصلاة. C'est ça الآن. On a le verset du Coran. فولي وجهك الشطر المسجد الحرام. Et on a حديث ابن عمر أن هذا الصحابي il a montré aux autres compagnons que le prophète صلى الله عليه وسلم il s'était dirigé vers la Kaaba. Ils sont tous dirigés vers la Kaaba. T'as deux dalils. Un من الكتاب un من السنة. Et اجماع أهل العلم على هذا. Sauf dans deux cas, on va les détailler. الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال أجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة خاص بإجماع العلماء لنانيميتي دسابون على هذا قال وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها قال وأنه وإن ترك استقبالها وهو معاين لها أو عالم بجهتها فلا صلاة له وعليه إعادة كل ما صلى سموت هذا الكلام كلام ابن عبد البر أن السلوي كلا كاباسيتي دو ديريجي فيغ الكعبة إما on va voir la مسألة سيلا مكة سيلو مسجد حرام إلى الكعبة en face de lui il se dirige en face de الكعبة c'est pour ça qu'au مسجد الحرام ta la كعبة هكذا T'as la Kaaba au milieu et les soufouf, ils entourent la Kaaba. Les Anna dans ce hal, c'est un wajib. Les Anna, la Kaaba, elle est en face d'eux. T'es obligé. Hada en face, hada en face, hada en face, hada en face. Ça fait que les soufouf, c'est le seul endroit où les soufouf, ils sont en forme de cercle. Les Anna, la Kaaba, elle est en face de toi. En dehors du Masjid al-Haram. Masjid al-Haram, on va dire, il est limité à Hakada. Si t'es en dehors, enfin, la personne, il se dirige en direction du Masjid. Enfin, maintenant, en dehors de Mecca, il y a des, en dehors du haram, plutôt du masjid, il y a des soufouf, Hakada, ils se dirigent en direction de la mosquée. Si la personne il est en dehors de Mecca, il se dirige la direction de Mecca. Enfin, tu vas voir maintenant, Ashab le Yémen, le pays, le Yémen, il est au sud de Mecca. Enfin, Haoula, ils se dirigent tous en direction de Mecca. Hada. Celui qui délaisse ça avec la capacité, sa salat à la bâtel. Hada, on a dit. Si il connaît la direction et s'il est capable, Hada sa salat al-batila, il l'a refait. Léana, il savait la direction. Maintenant, la direction elle est au nord, Roua il prie au sud, muta'ammidan, volontairement. Hada, il est à la khatar. Hada, c'est grave. Léana, yata'ammad, il fait exprès de khalif. Sa salat al-batila, il est à la khatar. Léana, le muslim, il doit se soumettre. Ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a lu le hadith, ils se sont soumis. La yajouz, la personne, il connaît la direction, et muta'ammidan, il prie une autre direction. Hada, la yahsul, min muslimin aqilin, la yahsul. Lakin, ça montre le hukm. Celui qui délaisse la qibla et il est qadir, il a la capacité, sa salat elle est batil. Andr al-tamhid. Al-an, il y a une mas'ala. Anna man salla ila ghayri al-qibla mujtahidan. Thumma, tabayyana lahu dhalik. Il y a une deuxième masala, la première masala qu'on a vue, elle a celui qui a la capacité de prier en direction de Qibla et il prie une autre direction, sa salat elle est bâtée. On a lu les adillah. Al-an, tu peux avoir une personne là où il prie une salat et il croit qu'il est en direction de Qibla. On va donner un mital, la Qibla elle est hakada. Tu es en salat, comme notre masjid, l'an, on doit prier hakada. Légèrement penché du côté de la gauche. هكذا مثلا une personne il vient مجتهدا et il fait salat هكذا الان la qibla est هكذا هو il est هكذا لكن cette personne contrairement au premier cas qu'on a vu lui fait un effort il croit que la qibla c'est ce côté فبهذا الحال est-ce que sa salat elle est valide ام لا قال الامام ابن عبد البر في التمهيد ايضا قال الناظر في هذا الباب يشهد ان لا اعاده على من صلى الى غير القبلة dans ce cas là القول الصحيح la masala il y a une divergence entre les savants لكن l'avis le plus juste c'est que sa salat elle est valide لماذا لان هو il a fait un effort et pour lui il est en direction de qibla et il n'avait pas une autre capacité personne lui a montré قال وكان مجتهدا لخفى ناحيته عليه لانه قد عمل ما امر به او بما امر به نعم لا يكلف الله نفسا الا وسعها الى فاس كي بوفر ففي هذا الحال sa salat elle est acceptée et la prochaine fois يجتهد اكثر et il trouve la bonne direction هذا الصحيح في هذه المساله وبعض العلماء يدز لا بعض العلماء يدز ولو s'il a pas fait exprès ولو s'il a fait des efforts il a pas trouvé il refait الصلاه لكن قول الامام ابن عبد البر الى اقرب والله تعالى اعلم هذا القول كذلك سقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما في الفتاوى سقول شيخ الاسلام ايش الصواب une autre مساله في هذا الباب et on a fait l'ishara on en a parlé un peu c'est مساله هل يستقبل عين القبلة او جهتها في اليمن مثلا on va être précis Mecca c'est ça et la Kaaba c'est au milieu le point est-ce que on est au Yémen on doit prendre la direction de Mecca ça veut dire que si t'es Hakada Yajouz Hakada Yajouz Hakada Yajouz ou Aïn al-Kaaba la chèque elle n'a plus tu t'éloignes de Mecca plus c'est difficile de prier en direction de la Kaaba elle-même مثلاً du Yémen jusqu'à Mecca il y a des milliers de kilomètres en Europe aux États-Unis en Asie c'est encore plus loin enfin, le fait de se diriger Aïn al-Kaaba al-Kaaba elle-même c'est pratiquement impossible si tu arrives à te diriger en direction de le Mamlaka de Mecca fa ni'ma amma al-Kaaba Aïn al-Kaaba elle-même c'est un amr il est chaque jitten fa li hada as-sawab fihada, c'est que la personne il se dirige en direction de Mecca. Si t'es au sud, Mecca c'est au nord, tu te diriges au nord. Tu te diriges au nord. Et t'essayes d'être le plus précis possible. Ils ont inventé des adjiza, des logiciels qui permettent de trouver la Kaaba précisément. La construction des mosquées, la personne, les responsables, ils se servent de ces logiciels pour trouver la Kaaba le plus précis possible. Les logiciels, ils sont précis du tel. Ça fonctionne avec des satellites, la technologie, elle a avancé. Enfin, ils arrivent à trouver la Kaaba précisément. Ils trouvent la Kaaba, tout le construit la mosquée. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قال فمن توهم أن الفرد أن يقصد المصلي الصلاة في مكان لو صار على خط مستقيم وصلى إلى على صراط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ صحيح شيخ الإسلام يثبت أن الكعبة elle est en face maintenant nous j'ai envie de faire la salat je me mets ici شيخ الإسلام il dit celui qui pense que si maintenant entre toi t'es le point A et la Kaaba le point B, si on arrive à faire un khat maintenant avec un fil, avec une corde, et ça va être mustaqim de toi à la Kaaba, ça c'est ba'id jitan. Ça montre que se diriger aïn al-Kaaba, al-Kaaba elle-même, c'est très difficile. Hada kama qala Cheikh al-Islam le Taymiyyah, celui qui pense que c'est ça l'obligation, c'est un khata, c'est au-dessus de la capacité. C'est au-dessus de la capacité. قال شيخ الإسلام ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هذا فقد أخطأ. C'est un khata. شيخ الإسلام ابن تيمية الآن va donner une preuve, elle est convaincante جدا. قال وإن كان هذا قد قاله قائل من المجتهدين. نعم. أن عين الكعبة شفتو بغبغ عين الكعبة هذا سبعي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو سيان إمام إلى ستة هذا سيان خطأ قال بل أو قال فهذا القول خطأ خالف أو خالف نص الكتاب أي القرآن والسنة وإجماع السلف بل وإجماع الأمة ستموت كل الكتاب والسنة وإجماع السلف بل إجماع الأمة أنه أنت تدريج en direction de Mecca. T'as pas la capacité de te diriger, et ni à 100%, t'arrives à te diriger, Aïn al-Kaaba, la Kaaba elle-même, abadan. Et Cheikh al-Islam, il va nous citer un dalil à la hada, قال فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت الكعبة. Et ça, c'est un dalil qawi. Cheikh al-Islam, il te montre que c'est qu'à des stylos, had, 2-3 stylos. Cheikh al-Islam, il te montre Anna. La Kaaba, la largeur de la Kaaba, madri kamal fait, taqriban, la largeur, 6 mètres, 7 mètres, on va dire nahnu 10 mètres. La Kaaba elle doit faire environ, un peu en dessous, 10 mètres. Al-An, le saf qu'on a à Dammaj, il fait combien de mètres? Robbana ça fait, kam, 50 mètres, on va dire 50 mètres. Al-An, on t'atteint saf hakada, lui, on dit qaddar Allah, il s'est mis en face Aïn al-Kaaba. Tayyib. On va dire lui aussi. Khalas, tayyib. Al-an, le saf, il continue. Le saf, il continue. Bi ijma' al-ummah, comme il dit sur l'islam de Taymiya, anna le saf, tu le fais droit. On ne peut pas faire l'ahnou, ad-damal matalan, on commence à faire saf hakada, on dit à haoula, il faut Aïn al-Kaaba, vous mettez comme ça. C'est impossible là. Ça c'est khas pour le Masjid al-Haram, il y a la Kaaba en face de toi. Amma fi ghayr Masjid al-Haram, où que tu sois, le saf il est droit. Al-Kaaba bil-Kaaba. Et tu fais saf droit. Peut-être que la Kaaba elle fait 10 mètres et le saf il fait 100 mètres. Est-ce que la salat de ceux qui sont au bout du saf elle est sahiha? La shakka fihi. Est-ce qu'ils sont aïn al-Kaaba? Impossible. Il y a la Kaaba elle fait 10 mètres. Ceux qui sont aïn al-Kaaba, ça sera sur 10 mètres. Faqat. Faqat. Amma ceux-là, là. Qu'un imam il a dit la salat haoula le batila abdel. Ça montre, c'est un ijma. Anna le but c'est que tu diriges la direction. Faqat. Amma aïn al-Kaaba la. Hada. C'est ça qui veut nous montrer le kalam sur l'islam. On relit le kalam là. Qala. Bel. Ijma al-umma. En أو فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل. سأل الصف المستطيل أي الصف إلى بلغون كعبة. أما أن سيغي المسجد الحرام à l'intérieur du masjid haram, on n'a pas le droit de faire un rang droit et délaisser la Kaaba. Maintenant, la Kaaba elle est là au masjid haram, on fait un saf comme ça. La yajouz. La yajouz. Sur le masjid haram, le saf il sera comme ça. Haoula hakada, haoula hakada, et haoula hakada. C'est ça les safs de masjid haram. Les anna, tu vois la Kaaba. Ça te montre qu'il y a une différence. Celui qui voit la Kaaba et celui qui ne la voit pas. Amma, celui qui ne la voit pas, il laisse le saf. Ou alors le saf il fait 10 km. Voilà où le saf fait 10 km. La chèque que dans le saf de 10 km, il y a des personnes, ils ne seront pas en face de la Kaaba. Il y en a la Kaaba, elle ne fait que 10 mètres. Mais faut hada. Khalas, hada. C'est ça, Mourad, Cheikh l'Islam, le Taymi. Et ça montre, anna al-qawlu sawab, c'est hada. Et comme il a dit, Cheikh l'Islam, la Ibrahim ibn al-Khalif, faut l'où c'est un imam. L'anna al-ijma' il y a hada. Radi' al-fatawa, de Cheikh l'Islam, le Taymi. Majmou' al-fatawa. On finit avec une dernière mas'ala sur al-qibla. مسألة إذا تبين له أنه منحرف عن القبلة أثناء الصلاة أنه on a compris الآن أن المسلم c'est un شرط il se dirige direction de la Kaaba s'il est au masjid al-haram il se dirige la Kaaba elle-même s'il est en dehors il se dirige يعني, s'il est à Mecca à la mosquée s'il est en dehors dans un autre pays il se dirige en direction du haram de Mecca الآن tu peux avoir un cas أنك en pleine salat un tas, tu ne pries pas en direction de Qibla. Tu as fait des efforts, tu as pensé que le Qibla, maintenant, c'était cette direction, à droite. En pleine salat. Thomas, une personne, elle te montre, elle a la direction de la Qibla, elle est hakada. Un tas, elle penchait légèrement à droite, et la Qibla, c'était à gauche. Tu as quand même un hadith ibn Omar. Et à cette hal, si on te montre, pendant la salat, une personne vient et te dit, ya akhi, la Qibla, c'est plus à gauche. Ou, il te tourne avec ses mains. Fa fi hada al-hal anta, tu te remets direction de la Qibla. Le dalil hadith ibn Umar, annahum ils étaient en pleine salat. Ils étaient en pleine salat, la Qibla elle était plus bonne. Le Nabi sallam il avait reçu le verset. Le verset avait été révélé. Fa fi hada al-hal, tu te remets en direction de la Qibla. Et ta salat elle est sahiha. Li anna on a vu anna celui qui fait une salat entière en hors, il n'est pas en direction de Qibla, il est mujtahid, sa salat elle est valide. Haoula, s'il a fait une ou deux raka'a, elle n'est pas en direction de la Qibla, sa salat elle est valide. Il ne refait pas les deux raka'a. Lakin, il se remet en direction de Qibla, ou akafa. Cette mas'ala est mabniya ala ma taqaddam. Et demain, bi'idnillah, on prend mas'ala salat al-safar, la Qibla, et fi salat al-khaif, et inshallah, on finira bab al-Qibla. Qui c'est qu'un ishkal fi ma dakarna? C'est واضح? الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك